Comme un soldat qui tombe au soir d'une bataille, comme une feuille morte arrachée par le vent, comme un chien malheureux gémissant sur la paille, comme un loup affamé qui hurle vainement. Comme une étoile au ciel qui brille et puis s'éteint, comme une vague folle qui s'écrase au rivage, comme une rose blanche qui s'effeuille au matin, comme un homme assoiffé qui voit fuir un mirage. Notre amour se meurt, notre amour se meurt, notre amour se meurt, notre amour se meurt. Comme un faon égaré qui appelle sa mère, comme un cygne qui chante à l'heure de la mort, comme un sombre cercueil que l'on descend en terre, comme un pauvre innocent que l'on condamne à tort. Comme un orage sourd qui heurte les nuages, comme un éclair